Le brochet, immobile, à l'ombre d'un sol, c'est le poignard dissimulé au flanc du vieux bandit. La baleine, elle a bien dans la bouche de quoi se faire un corset, mais avec ce tour de taille...